votre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ne vous êtes-vous jamais posé cette terrible question? Si un jour je devais, quelle horreur, quitter précipitamment mon appartement ou ma maison, qu'emporter en priorité? En cas d'incendie ou d'inondation, le mieux est de fuir en laissant tout derrière soi pour sauver sa peau. Mais quand même, s'il fallait emporter quelque chose, les bijoux, les papiers d'identité, les photos de famille ou le dernier doudou du petit? Et pourquoi pas les œuvres complètes de Victor Hugo reliées en pleine peau, à dos, à cinq nerfs, serties de fer reliées, 40 magnifiques volumes. Ah, le choix est difficile, mais il faut choisir. Alors imaginez la terreur des conservateurs de musées au moment d'évacuer leur collection. Quelle œuvre choisir en priorité? Nous imaginons ce conservateur en pleurs dans les salles de son musée. Celle-là, celle-là, celle-là. Non, pas celle-là, elle est moche. Mais celle-là, celle-là. La complexité d'évacuer un musée. Vous imaginez le tableau. Arnaud Bertinet, bonjour. Bonjour. 1870, décision d'évacuer le Louvre. C'est une première? Alors, c'est une première en France. Il y a un précédent en Russie, lors de la campagne de Russie. Apparemment, le tsar évacue une partie de ses collections personnelles. Mais c'est la première fois, en revanche, en 1870, qu'en France, on évacue le Louvre, mais aussi un certain nombre de musées en région où on protège les collections, en fait. Il faut dire qu'il y a des précédents dans l'imaginaire. En 1870, quand les Prussiens arrivent, il y a le souvenir de ce que nous-mêmes, Français, nous avions fait par le passé. Bien entendu, il y a les spoliations révolutionnaires et des guerres impériales. On a le traité de Tolentino, Bonaparte récupère une partie des collections papales. On a les spoliations dans ce qui deviendra l'Allemagne au moment de la Révolution. Donc tout ça fait que, effectivement, les Français ont à l'esprit, c'est sans doute la raison principale de l'évacuation, avec le bombardement de la ville de Strasbourg qui entraîne cette décision qui est prise très tardivement le 29 août 1870. Le Louvre évacué. Arnaud Bertinet, vous êtes maître de conférence en histoire du patrimoine et archives visuelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les musées de Napoléon III, une institution pour les arts », mais aussi des musées de Metz à la Cour d'Or, histoire des collections, reflet d'un territoire. Et justement, pour évoquer ce que vous avez étudié, Arnaud Bertinet, ce Louvre évacué en 1870, avec nous également Patrick Gourlet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'auteur « Le Louvre au secret, Brest 1870, des chefs-d'œuvre à l'arsenal ». Dites-nous, que s'est-il passé à Brest? Parce qu'évacuer le musée est une chose, mais il y a un autre épisode qui est intéressant, c'est la conservation des œuvres une fois évacuées. C'est-à-dire que le choix de Brest s'est visiblement imposé d'emblée, pour des mesures de sûreté. Brest, c'est un port de guerre, c'est aussi une ville forteresse, c'est aussi une manière d'éloigner du danger prussien, et puis c'est aussi la possibilité de faire partir éventuellement les œuvres une fois à Brest, si jamais les Prussiens s'approchaient. Donc il y a une précipitation, effectivement, mais en même temps il y a donc quatre convois qui acheminent à Brest 75 caisses qui contiennent 293 tableaux du Louvre, et ce qui est sans doute facilité, c'est le fait qu'il y a la possibilité de mettre en sûreté et au secret ces œuvres, grâce à un embranchement militaire de la voie ferrée qui permet de rentrer directement dans l'arsenal par un tunnel près du château. Et puis ensuite, la question qui se pose à Tauziat, qui est l'envoyé du Louvre, et au préfet maritime qui gère l'opération, c'est de choisir le lieu de conservation. Dans un premier temps, il semble qu'ils aient envisager d'entreposer les œuvres sur une frégate, l'Hermione, mais d'après les sources que j'ai pu consulter, très vite, C'est plutôt vers un local qu'il se destine, une grande et vaste pièce au premier étage d'un des bâtiments des constructions navales. Donc, mise en sécurité, mise au secret, avec, bon, un petit peu pour l'anecdote, le préfet maritime qui demande de faire inscrire sur les caisses « Envoi au Gabon » pour détourner les curieux. Et puis, une autre information qui fait réfléchir. Il semble que le ministre des Beaux-Arts, Vaillant et Newark, ait voulu se rendre à Brest en personne pour superviser l'opération. Une opération d'ampleur, il est certain, opération d'ampleur de cette évacuation du Louvre à Brest en 1870, mais des questionnements qui nous conduisent au présent. Et notamment en 1870, il n'y avait pas le bouclier bleu. Mais aujourd'hui, le bouclier bleu existe. Et pour nous en parler, vous êtes avec nous, Jocelyne Deschaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste, paléographe, conservateur général des bibliothèques et vous êtes présidente du comité français du bouclier bleu. Qu'est-ce que le bouclier bleu ? C'est le relais en France du Blue Shield international et nous travaillons en France pour justement la protection du patrimoine en temps de sinistre, de catastrophe naturelle, puisque nous avons la chance en France de ne pas avoir de conflits armés dans nos territoires. Les actions du bouclier bleu se reportent sur la protection en amont vis-à-vis des catastrophes naturelles et des sinistres, des incendies comme à Notre-Dame et des inondations comme ça arrive très souvent. Protéger les œuvres en temps de guerre, en temps de conflit, effectivement, hein, la Convention de La Haye évoque les conflits, quelque chose de plus général, en temps de crise. Commençons par ces réflexions au moment de la guerre en 1870, mais pas avec n'importe qui, avec Jean Renoir qui nous parle de son père. Mon père, j'ai dit que mon père ne se préoccupait pas beaucoup de tout ce qui n'était pas son métier. Par exemple, lorsque la guerre de 70 a éclaté, son ami Basile et lui-même étaient très amis d'un des premiers amateurs de peinture, enfin de cette peinture-là, de la peinture moderne, un homme extrêmement gentil qui s'appelait le prince Bibesco. Et le prince Bibesco était un ami intime de l'empereur Napoléon III. Ce prince Bibesco, d'ailleurs, qui était certainement d'origine roumaine, était cependant dans l'armée française, il était général français. Et il est parti à la guerre de 70 en tant que général français. Et il a dit à mon père et à Basile, vous n'avez qu'à venir avec moi, je vous prends dans mon état-major, vous prendrez vos couleurs, vos pinceaux, vos toiles, et vous peindrez, voilà, ça sera une promenade. Nous serons à Berlin dans quelques jours. C'était la guerre fraîche et joyeuse. Oui, ben la guerre ne fut pas fraîche et joyeuse. Jean Renoir qui évoque son père Auguste à propos de la guerre de 1870. Arnaud Bertinet, la décision d'évacuer le Louvre à l'été 1870, quand la guerre est proclamée, veut dire déjà qu'il y a un doute sur le fait de gagner. C'est vraiment intéressant, la décision d'évacuer les œuvres du Louvre. La décision est très tardive et je pense qu'en fait elle est prise dans la panique parce qu'au début, effectivement, c'est la guerre fraîche et joyeuse et puis très rapidement, c'est Sedan, c'est l'enfermement dans la ville. Et donc, on convoque Newkirk aux Tuileries, c'est l'impératrice Eugénie lors d'un conseil extraordinaire et la décision est prise donc le 30 août. Vaillant informe Newkirk et affirme qu'on évacue les collections au plus vite. Surintendant des musées impériaux, Newkirk, ouais. Avec cette question, et c'est vrai qu'elle est fondamentale, comment évacuer autant d'œuvres ? Alors, comment évacuer autant d'œuvres ? Déjà, on n'évacue pas tout, il faut se dépêcher. Il y a une liste, en fait, qui a été faite, qui est de 760 œuvres à l'origine, et on va commencer à mettre en caisse chaque jour un certain nombre d'œuvres. C'est assez intéressant, puisque les archives conservent l'ensemble des fiches, en fait, qui ont été faites à l'époque par les conservateurs. On va essentiellement faire des choix, en fait, autour des œuvres les plus importantes pour les conservateurs de l'époque, hein, des collections du Louvre, ça veut dire beaucoup les collections italiennes, les collections françaises, les collections des écoles du Nord, essentiellement et quasiment uniquement en fait des peintures dans un premier temps. La seule sculpture qui est évacuée en 1870, c'est la Vénus de Milo. qui évacuaient non pas à Brest, mais dans les caves de la préfecture de police de Paris. Donc, avec les événements de la Commune, c'est en fait elle qui a été le plus en danger lors de cet épisode. Donc, on fait des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça nous permet aussi d'avoir une vision de l'histoire de l'art de l'époque et de se rendre compte que les choix des conservateurs de 1870 ne sont pas les choix des conservateurs de 1914 ou de 1940, puisqu'on décide d'évacuer en priorité la Belle Jardinière de Raphaël et la Famille Hydropique de Gérard Doux, qui sont les œuvres de la caisse 1 du Louvre à ce moment-là. Oui, il faut rappeler qu'au 19e siècle, Raphaël est le peintre majeur, le peintre dont tout le monde veut avoir une œuvre, dans tous les musées en tout cas de Raphaël. Mais dites-nous Arnaud Bertinet, comment sont transportés ces tableaux ? C'est fragile un tableau ? C'est très fragile, c'est d'ailleurs l'objet de grandes peurs de la part des conservateurs. Il faut imaginer que les noces de Cana sont descendues de leur cimaise, roulées et envoyées à Brest. C'est le tableau le plus grand du Louvre, donc il était en mauvais état de conservation déjà à l'époque. Donc c'est très dangereux, ils sont descendus, ils sont mis en caisse en fait, tout simplement, pour la plupart, ou entourés, roulés sur des rouleaux. Et ensuite, tout ça part vers la gare de Montparnasse, enfin vers Denfert, et évacué vers Brest. À Brest, ils sont accueillis, vous nous l'avez dit, Patrick Gourlet, à l'Arsenal. Est-ce que l'Arsenal est un lieu qui est destiné, enfin il n'est pas destiné à accueillir des œuvres d'art, mais est-ce qu'il convient pour les recevoir ? Avec le recul, visiblement, le choix qui a été fait a été un bon choix. Tosia témoigne du fait qu'il y a que le bâtiment est tout à fait correct et satisfaisant. Ces œuvres qui vont passer en gros une année à Brest ne vont pas subir de dommages particuliers. Ils ont quand même fait attention au lieu, bien sûr. Donc, grandes et vastes pièces aérées dès que c'est possible. Et puis, Tosia lui-même supervise la conservation. Il fait nettoyer les caisses, il vérifie l'état des tableaux, il fait aérer les magasins. Et il peut dire, par exemple, en mars 1871, dans une lettre qu'il envoie au Louvre, il peut dire que les œuvres sont aussi intactes que lorsqu'elles ont quitté le Louvre, donc quelques mois plus tôt. Ce qui est en partie vrai d'ailleurs, mais tout cela se fait dans le plus grand secret. Enfin non, ça ne peut jamais être secret parce que certains connaissent tout, et c'est le cas des frères Goncourt. J'accroche au sortir du Louvre Chenevière, qui me dit qu'il part demain pour Brest, afin d'escorter le troisième convoi des tableaux du Louvre, qu'on a enlevé des cadres, qu'on a roulé et qu'on envoie pour les sauver des Prussiens dans l'arsenal ou le bagne de Brest. Il me peint le triste et humiliant spectacle de cet emballage, aux Rezettes pleurant à chaudes larmes devant la belle jardinière au fond de sa caisse, ainsi que devant un mort chéri au moment où on va le clouer dans le cercueil. Le soir, après le dîner, nous allons au chemin de fer de la rue d'Enfer. Et je vois les 17 caisses contenant l'Antiope, les plus beaux Vénitiens, etc. Ces tableaux qui se croyaient attachés au mur du Louvre pour l'éternité et qui ne sont plus que des colis, protégés contre les aventures du déplacement et du voyage par le mot « fragile ». L'évacuation du Louvre évoquée par les frères Goncourt dans leur journal le 2 septembre 1870. Dans cet extrait des frères Goncourt, nous entendons des noms. Chenevière, il y a Ressay également. Ce sont des personnages essentiels. Arnaud Bertinet, il s'agit là de conservateurs, de musées, de responsables du Louvre. Pour bien saisir en quoi l'évacuation du Louvre est essentiel en 1870, il faut replacer ça dans un contexte plus large. La posture du conservateur évolue nettement au 19e siècle. Oui, les conservateurs, enfin le métier de conservateur, c'est le début de la préfossionnalisation à cette époque. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a souvent des conservateurs qui sont des peintres pour les départements de peinture. Et au fur et à mesure, on va avoir des gens qui vont faire des études. Et sous le Second Empire, notamment, cette génération-là est une génération qui a fait des études à l'université et qui, par des relations, parce qu'il faut être honnête, pour devenir conservateur au Louvre, à l'époque, il faut avoir des relations, obtient une charge de conservateur en ayant avant travaillé comme attaché, souvent gratuitement, puisque les attachés travaillent gratuitement et les conservateurs sont payés. Et donc on a effectivement des gens qui ont fait des études à l'université, qui obtiennent ces postes. Trezet est le conservateur des peintures du Louvre. Chenevière, lui, est en charge du musée du Luxembourg, donc du musée des artistes vivants. Voilà. Ce qui fait une nette différence, parce que ces artistes sont au cœur. Nous avons entendu tout à l'heure Jean Renoir, qui aurait bien aimé être exposé parmi les artistes vivants. Mais toute une problématique, en fait, se dégage autour de la collection patrimoniale. Elle est essentielle, cette collection patrimoniale. Elle est l'identité même de la France. Évacuer les œuvres du Louvre en 1870, cela signifie-t-il protéger l'identité française ? Sans doute, je pense que ça participe de la construction effectivement de l'identité nationale, ce Louvre qui prend de plus en plus d'importance, qui est désormais ouvert tous les jours à l'époque, à tous. Il y a eu les expositions universelles, une mise en lumière des collections, c'est le vaisseau amiral des musées français déjà à l'époque. Et donc forcément, le gouvernement et les conservateurs qui laisseraient les collections du Louvre pillées ou brûlées seraient responsables devant l'histoire et devant l'humanité de cette dégradation et de cette destruction. Donc forcément, il y a une prise de conscience, je pense, d'autant plus avec les bombardements de Strasbourg, et le musée de Strasbourg brûle. Et ça, je pense qu'ils sont bien entendu au courant très rapidement. Et donc, il faut absolument évacuer, il faut éviter que cela arrive aux collections du Louvre, ou que les collections du Louvre se retrouvent sur les cimaises des musées de Berlin. Dites-nous, Patrick Gourlet, depuis Brest, quel est le regard porté sur ce qui se passe ? Vous nous avez parlé de ce conservateur isolé autour de ses chefs-d'œuvre à l'arsenal de Brest. En fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est en manque d'informations. Il ne sait pas combien de temps cet épisode va durer. Ça doit être terrifiant pour lui. Alors, Tosia, dès le départ, dans ses courriers, évoque l'isolement, l'idée d'exil. Et puis effectivement, le manque de vision du temps qui va devoir passer à Brest. Alors il séjourne dans la rue principale, la rue de Siam. Il se fait quand même des relations avec un certain nombre de notables de Brest. Et évidemment, il a des contacts très très réguliers avec le préfet maritime, qui est vraiment l'homme fort de la place. D'autant plus qu'il y a donc à la fois la guerre, mais aussi la protection de ces richesses de la France. Et il est isolé, il est sans grande nouvelle de ce qui se passe à Paris aussi. Et dans les courriers qu'il adresse à Frédéric Grézé, on sent la demande d'information. Et il est souvent impatient de pouvoir organiser le retour. Et ça, ça vient très très vite dans les lettres. Comment faire pour rentrer sur Paris avec des chefs-d'œuvre ? Arnaud Bertinet, effectivement, le 4 septembre 1870, la République est proclamée, c'en est fini de l'Empire, mais la question pour les œuvres se pose, les œuvres n'appartiennent pas à un régime politique. Comment s'organise, alors, pas tant le retour, mais la réflexion autour du retour des œuvres ? Alors, Jules Simon, qui devient ministre en charge du Louvre, demande en fait l'arrêt des envois vers Brest, déjà, c'est la première chose, mais que les œuvres restent à Brest et qu'on protège le reste des collections du Louvre dans les caves, en fait, du musée. Donc, le processus de protection continue à ce moment-là. Et puis ensuite, on attend, en fait, de savoir ce qui va se passer. Et il faut attendre mars 1871 pour que, pour la première fois au sein du Conservatoire des musées nationaux, on évoque la possibilité de ramener les œuvres. Mars 1871, la commune éclate, on ne fait pas revenir les œuvres, elles sont toujours à Brest à ce moment-là, et il faudra attendre en fait vraiment une situation qui se stabilise, et donc septembre 1871, pour qu'un train exceptionnel, et cette fois en un seul convoi, c'est pas quatre convois, mais c'est un convoi exceptionnel avec l'armée qui encadre le convoi, qu'on fasse revenir les œuvres au Louvre, dans un Louvre fermé, sans aucune publicité, personne ne sait ce qui s'est passé à l'époque, il y a quelques auteurs qui écriront, les Goncourt étaient au courant, on aura Edmond Habou, on aura Maxime Ducamp, qui écriront a posteriori de très courts articles, mais la presse ne parle quasiment pas de ce retour des œuvres et de ce qui faisait, d'autant plus que les Tuileries ont brûlé entre-temps. Et puis dans l'histoire, l'historiographie, cette évacuation du Louvre en 1870 est oubliée. Déjà, le secret, elle est conservée dans les archives, mais elle est surpassée par d'autres évacuations du Louvre. Et c'est pour cela, sans doute, Arnaud Bertinet, que l'on oublie cette évacuation de 1870. Je pense qu'il y a de ça, effectivement. Personne n'avait vraiment conscience de cette évacuation, si ce n'est les conservateurs de musées. Il faut savoir, par exemple, en 1914-1915, quand Paul Jameau part avec les œuvres du Louvre, cette fois à Toulouse, et qu'on les cache dans l'église des Jacobins, il est parfaitement au courant de ce précédent. Et il écrit à Paul Leprieur, qui est le conservateur des peintures, que les collections sont dans un très bon état et qu'elles n'ont pas souffert pendant un an à Brest, elles ne souffriront pas plus à Toulouse. Ce qui est faux, d'ailleurs, parce qu'il y a des problèmes avec les emballages et la paille des emballages et qu'il y a des moisissures qui apparaissent sur certaines œuvres et que du coup le ministre vient lui-même inspecter les collections du Louvre le 21 juin 1915 pour être certain que tout se passe bien, à la plus grande frayeur de Jameau bien entendu. Donc c'est présent chez les conservateurs, c'est absent dans la sphère publique, on va dire. Et puis, le fait qu'on parle de plus en plus de l'évacuation de 1940 avec le temps, de ce qui s'est passé dans les musées durant la Seconde Guerre mondiale, fait que, bien entendu, on va finir par s'intéresser aux précédents conflits et qu'on trouve 1914 et 1870. Dans ces précédents, il y a systématiquement les mêmes réflexions. Nous allons l'illustrer avec une lecture d'Élodie Hubert à propos de l'exode du Louvre, tel qu'on le dit, ce sont les souvenirs de Germain Bazin. On ne se doute pas, quand on n'est pas du métier, des difficultés que représente le choix d'un bon refuge. Il faut qu'il soit à la fois salubre, indemne de toute humidité et cependant pourvu abondamment de réserves d'eau pour les motopompes. Il doit avoir le chauffage central et être doté de l'éclairage électrique, mais avec une installation sous tube pour éviter les courts-circuits cause d'incendie. Les issues doivent être assez vastes pour permettre l'entrée des caisses de grande dimension, ce qui exclut les châteaux du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui dominent presque exclusivement dans le midi de la France. Il fallait de préférence rechercher les salles revêtues de boiseries, dont les fonctions hygroscopiques climatisent naturellement l'atmosphère. Enfin, si le château est muni d'un paratonnerre, cet élément est loin d'être négligeable. Comment choisir son bon refuge? Ce sont les souvenirs de Germain Bazin, conservateur de musée, qui a été confronté à l'évacuation du Louvre durant la Seconde Guerre mondiale. Arnaud Bertinet, ses réflexions, en fait, sont intemporelles. Elles sont totalement intemporelles et c'est des réflexions qu'on pourra avoir de nos jours si on devait évacuer des collections. Alors, il n'y a pas de conflit. Effectivement, les plans apparemment ont été abandonné d'évacuation en cas de conflit à la fin de la guerre froide. Ça, c'est ce qu'on sait publiquement. En revanche, bien entendu, ces plans ont sans doute été réutilisés pour les plans en cas de crue centennale, notamment pour le Louvre, si la Seine débordait de son lit. Et on l'a vu en 2016, où on a vu des prémices d'évacuation avec des collections qui étaient remontées, qui étaient mises dans des caisses, et on attendait de voir si la Seine allait encore plus déborder que ce qu'elle faisait. Jocelyne Deschaux, vous êtes présidente du comité français du bouclier bleu, donc qui a pour mission de protéger le patrimoine culturel en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle, donc en cas de conflit, en cas de guerre, et puis en cas d'incendie, d'inondation. Cette réflexion sur la priorité des œuvres à sauver concerne-t-elle le bouclier bleu? Oui, bien sûr, nous réfléchissons, nous engageons l'ensemble des professionnels du patrimoine à avoir cette réflexion parce que, on le disait tout à l'heure, quand on doit faire une sélection dans la panique, forcément, elle n'est pas bien faite. Et dans le cas, par exemple, d'un incendie pour lequel, qui concernerait un établissement de conservation patrimoniale qui n'a pas préparé ce qu'on appelle le plan de sauvegarde des biens culturels, ce seraient les pompiers qui devraient choisir les œuvres à évacuer. Évidemment, ils ne le feraient pas de manière scientifique. Donc nous, ce qu'on dit au bouclier bleu, c'est qu'il faut réfléchir en amont, monter son plan d'urgence, son plan de sauvegarde en amont, de façon à avoir tous les éléments pour pouvoir faire cette sélection des œuvres et mettre tout en place également l'ensemble du processus d'évacuation, de sauvegarde pendant l'évacuation, de sûreté pendant l'évacuation et éventuellement de stockage relativement temporaire une fois que les œuvres ont été évacuées. Jocelyne Deschaux, l'action du bouclier bleu se construit dans une action beaucoup plus vaste, celle de l'UNESCO. Le bouclier bleu reprend en fait, mais de manière pratique, met en action ce que voulait l'UNESCO par la conférence de La Haye, celle de 1954. Mais le bouclier bleu en fait est une institution récente, non ? Mais 1999, il a vu le jour à l'issue du second protocole de la Convention de La Haye en 1999, et il a été créé d'abord internationalement pour justement veiller à ce que les deux protocoles de la Convention de La Haye, de 1954 et de 99, soient bien respectés par l'ensemble des pays contractant signant la Convention de La Haye. Donc le bouclier bleu international effectivement existe depuis 99. Et puis 1999. Et puis pour les conflits eux-mêmes, et c'est vrai que ce n'est pas le cas de la France, le bouclier bleu international peut agir simplement en allant dans les musées, en mettant, cet emblème, ce macaron du bouclier bleu qui peut être mis sur la façade d'un musée pour bien dire ce lieu est repéré comme devant être protégé. Il fait partie du patrimoine culturel mondial. Mondial, absolument. C'est le patrimoine culturel de l'humanité tout entière. C'était d'ailleurs le préambule de la Convention de La Haye qui disait que les atteintes portées aux biens culturels à quelques peuples qu'ils appartiennent constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité tout entière. Ce qui veut bien dire que la Joconde n'est pas française, elle n'est pas italienne non plus, elle appartient à l'ensemble de l'humanité, elle appartient aussi surtout à Barbara. Moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que des mots vains ont mis nonde. Critiques, artistes abondent en d'intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde. La Joconde. La Joconde qui sourit sous les bombes, selon Barbara, dans le cours de l'histoire sur France Culture, le sourire de la Joconde. Le cours de l'histoire, une émission réalisée avec le sourire de Marie Placet. Aujourd'hui à la technique, le sourire de Jean-Frédéric. Justement, en évoquant la Joconde, Arnaud Bertinet, vous nous avez dit que le moment de l'évacuation montre le goût des conservateurs. Ce n'est pas le même en 1870, en 1914, en 1940. Bien justement, en 1870, quelle place est accordée à la Joconde ? À la Joconde ne part pas le premier jour, en fait, elle part le lendemain, donc dans le second convoi, et dans la caisse 11, en fait, elle part le 1er septembre, avec des tableaux du Poussin et de Lorrain. Elle est importante, c'est une œuvre de Léonard, mais ce n'est pas l'œuvre la plus importante du Louvre à l'époque. La Sainte-Anne part dans le premier convoi, par exemple, de Léonard. Et en 1914 ? Ah, elle est évacuée tout de suite, mais elle a été volée entre-temps. Le vol de la Joconde est un élément intéressant pour comprendre. Le vol de la Joconde, c'est en 1911. Pour comprendre combien ce tableau est devenu fantastique, Patrick Gourlet, ce vol de la Joconde a des répercussions bretonnes, des répercussions étonnantes d'ailleurs. Quelles sont-elles ? Ah oui, alors c'est tout à fait incroyable en fait, parce que Donc cet épisode du séjour des œuvres est oublié à Brest largement, et il est évoqué à nouveau en 1911 lorsque la Joconde est volée, et que les conservateurs du Louvre imaginent d'emprunter la Joconde de Quimper, qui est une copie contemporaine de la Joconde du Louvre, pour masquer le vol. Le temps de l'enquête, bon, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop tard, le vol est connu. Mais du coup, cette copie de Quimperoise amène à rappeler le séjour brestois de la Joconde en 1870. Et puis un deuxième épisode en 1926, où le journal La Dépêche de Brest s'interroge clairement. Et si la Joconde exposée à Quimper depuis 1872 était en réalité la Joconde du Louvre, habilement substituée dans l'arsenal lors du séjour brestois des œuvres. Donc là, on peut y voir un fantasme de Finistérien peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que ça alimente une sorte de légende, de mythe. Et il est à noter d'ailleurs qu'actuellement au musée de la Marine à Brest, il y a une exposition qui expose cette Joconde de Quimper, en écho à cette histoire. Oui, la Joconde de Quimper, qui est une Joconde, une copie de la Joconde de Vinci, mais réalisée sans doute du temps de Léonard de Vinci. Une Joconde drôlement intéressante d'ailleurs, se dire voilà, elle est là-bas, elle est à Quimper. Et cette réflexion sur les œuvres à évacuer en priorité se retrouve évidemment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Nous partons à Chambord. Et vous, André Chanson, est-ce à l'académicien, est-ce au conservateur de musée que je dois demander son plus beau 1er janvier? Est-ce que vous me permettrez de vous répondre par le 1er janvier de l'homme caché? Les musées nationaux étaient réfugiés en zone sud, et lors de l'entrée des Allemands, décision fut prise d'amener une centaine de chefs-d'œuvre, les plus précieux du Louvre, les plus maniables aussi, les chefs-d'œuvre de petit format, dans un château où il serait soustrait aux investigations possibles du nouvel occupant. Je partis donc tout seul avec deux gardiens, et je ne sais plus combien de caisses, et j'allais me réfugier sur les bornes du Tarn, dans un château qui, si j'ai bonne mémoire, s'appelait le château de Loubéjac. Chaque jour, je faisais en conscience mon métier de conservateur, c'est-à-dire que j'ouvrais une, deux, trois caisses, que je sortais les tableaux et que je regardais s'ils ne souffraient pas. Vous imaginez l'enchantement que pouvait être ce travail quotidien. Chaque jour sortaient des caisses quelques-uns de ces merveilleux chefs-d'œuvre du musée du Louvre que, peu d'années après, j'ai eu la joie et, je dirais, l'honneur et la gloire de présenter au public parisien au Petit Palais. Alors, le château de Loubéjac donc accueille André Chanson, conservateur du Louvre, qui évoquait l'évacuation du Louvre, mais il y a également le château de Chambord. Arnaud Bertinet, comment s'évacue le Louvre en 1940 ? Alors le Louvre en 1940 s'évacue et s'évacue vite, et l'évacuation est préparée cette fois. C'est-à-dire qu'en 1870, on agit dans la précipitation. En 1914, on agit de nouveau dans la précipitation. En 1940, en fait, le premier plan d'évacuation des collections en cas de nouveau conflit mondial est évoqué le 1er février 1930. On prend 10 ans pour préparer l'évacuation. Il va y avoir des listes en 1932, en 1935. Et Chambord devient, en fait, en 1938, normalement le lieu où on cacherait les collections du Louvre. Arrive Munich, on évacue le Louvre. Ça se passe assez mal, en fait, au moment de Munich. Et donc, on décide de transformer Chambord en plaque, en fait, en plateau, où on va amener les collections dans un premier temps, puis ensuite, on va les disperser à travers tout un tas d'autres lieux à travers la France, que ce soit Loubéjac, que ce soit Montal, que ce soit l'abbaye de Locdieu, et puis finalement, le musée Ingres de Montauban, qui, lui, va avoir une place très importante durant la guerre, à ce moment-là. Donc, c'est très, très, très organisé en 1940. Il y a des convois, il y a des listes. On avait même prévu le déplacement des œuvres au sein du Louvre vers le bon ascenseur avec la taille qui correspondait aux toiles. On a les plans comme ça pour chaque salle du Louvre. Tel tableau passe par tel chemin pour être dans le bon ascenseur et qu'on puisse rentrer avec la toile dans l'ascenseur. Vous évoquez, Arnaud Bertinet, ces ascenseurs adaptés. Dans cette évolution, cette prise de conscience de la nécessité de protéger les œuvres en cas de conflit ou d'évacuation du musée, l'architecture elle-même du musée est-elle prise en compte ? Vous êtes l'auteur des musées de Napoléon III, une institution pour les arts, et vous avez étudié le musée de Metz également. Le musée lui-même, dans sa construction, dans son architecture, prend-il en compte l'idée qu'il va falloir protéger les œuvres ? Ça c'est compliqué. Il y a une mention sous le Second Empire qui est le musée d'Amiens où on aurait, parce que c'est la première construction française qui est construite pour être un musée. Voilà. Un des administrateurs du musée d'Amiens dit qu'il y a des caches dans le musée pour protéger les œuvres en cas de conflit. Sauf qu'on ne les a pas trouvées, on ne sait pas où elles sont. Donc c'est une vraie question, ils en parlent en tout cas. Et ensuite, il y a des structures, il y a des caves, il y a des choses comme ça. Mais par exemple, le Louvre, lors des grands travaux, on prévoit les réserves en sous-sol, sauf qu'on n'a pas pensé à la Seine. Oui, voilà, ce qui était bêta parce que, oui, ça coule. Justement, Jocelyne Deschaux, cette protection par le bouclier bleu des œuvres, en cas de souci, nécessite une grande connaissance préalable des œuvres elles-mêmes, mais des lieux également. Vous visitez en fait ces lieux. Oui, alors en fait, ce qu'on préconise au bouclier bleu, c'est que ce soit chaque établissement qui réalise son plan de sauvegarde des biens culturels, puisque, comme vous venez de le dire très justement, il n'y a que dans cet établissement-là qu'on peut savoir quels peuvent être les acheminements extérieurs, etc. Donc voilà, ce qu'on dit nous au bouclier bleu, c'est que chaque établissement doit construire son propre plan de sauvegarde. Bien sûr, là, nous sommes là pour aider, pour sensibiliser d'abord, parce que tout le monde n'a pas cette sensibilisation à l'anticipation de ce genre, et puis pour former et pour recommander un certain nombre de choses. Mais ce sont vraiment les gens sur place qui doivent faire leur plan d'évacuation. La prise de conscience, former des gens que vous évoquez, est quelque chose qui s'inscrit également dans l'histoire. À quel moment, Arnaud Bertinet, la préoccupation apparaît de la nécessité de protéger le patrimoine en cas de conflit, mais avec des institutions a été évoquée la conférence de La Haye dans les années 1950. Nous sentons bien ici que la Seconde Guerre mondiale est une véritable rupture pour la prise de conscience. En fait, c'est la Première Guerre mondiale qui crée la prise de conscience, les destructions massives. Je vous rappelle cette lettre de Paul Valéry dans La crise de l'esprit où il dit « Élan, Ninive, Babylone étaient de beaux noms. France, Angleterre, Russie, ce serait aussi de beaux noms » parce qu'on sait écharté, détruit. Et donc, à partir de ce moment-là, on va réfléchir justement au plan de protection et au niveau international. On va créer des institutions internationales. C'est l'Office international des musées, l'OIM. Il a une revue qui est Muséion. Et dans cette revue, dans les années 30, eh bien, les conservateurs de tous les pays européens vont écrire sur les, justement, conditions de protection des œuvres en cas de conflit. On a même un numéro spécial de Muséion à la fin des années 30 avec des auteurs français, anglais, belges, italiens, autrichiens, pour savoir comment protéger les œuvres en cas de conflit. Donc, la communauté muséale est très prête en 1940. Voilà, c'est la prise de conscience de la communauté muséale se situe donc dans l'entre-deux-guerres, mais l'application avec l'aide de l'institution, de l'État et une construction internationale est plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors il y a le pacte Röhrich en 1935, on parle justement de la protection en cas de conflit international, mais les principaux pays européens ne ratifient pas le pacte Röhrich. Et donc effectivement, il faut attendre la création de l'UNESCO et les années 50 pour la Convention de La Haye. Justement, Jocelyne Deschaux, dans vos actions, concrètement, comment agissez-vous ? Il y a plusieurs étapes de manière très nette. Nous avons évoqué le avant, c'est-à-dire connaître les lieux, connaître les œuvres. Il y a le après. Comment, à l'international, se construit en cas de conflit l'action du bouclier bleu ? Alors au niveau international, l'action du bouclier bleu se fait beaucoup en amont aussi, c'est-à-dire que le Blue Shield International travaille beaucoup avec l'armée, avec les armées, de façon à faire prendre conscience, et maintenant c'est tout à fait le cas, aux militaires que les biens culturels sont des biens à protéger de façon tout à fait importante, aussi bien que les vies humaines, avec toutes les guillemets que vous pourrez entendre évidemment. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en amont. Ensuite, ensuite, quand il y a eu catastrophe, quand il y a eu un conflit et que tel pays fait appel au Blue Shield international, il peut y avoir bien sûr l'envoi d'experts de façon à aider le pays en question qui en fait la demande à se relever, à mettre en route un certain nombre de choses. C'est ce qui a été fait par exemple à Beyrouth après cet été, après l'explosion du port. C'est ce genre de choses qui peut être mis en place également. Oui, car les musées sont des cibles parce que les œuvres sont intéressantes pour les États qui prennent un territoire ennemi, sans doute. Mais ces musées sont intéressants aussi car ils représentent un grand magasin, le commerce de l'art, et rapportent beaucoup d'argent. Sous la menace d'une guerre imminente, la tension monte dans le musée de Bagdad. Depuis quelques jours, les autorités multiplient les exercices d'urgence. Il ne nous est pas vraiment permis de filmer. Tout le monde est très tendu, nous avons peur d'une attaque. Et l'on s'entraîne à protéger le musée. Ce musée, c'est toute la mémoire de l'ancienne Mésopotamie, berceau des civilisations de Sumer, d'Akkad, de Babylone et d'Assyrie. L'humanité leur doit les premières formes d'écriture et les mathématiques. Conquérants ou conquis, ces peuples ont laissé leur empreinte sur toutes les civilisations du Moyen-Orient. Nous sommes tous les soldats de la Mésopotamie. Nous allons défendre chaque pouce de notre territoire, mais aussi nos sites archéologiques et nos musées comme nos maisons. Je ne peux rien vous dire, ni où, ni quand, ni comment. Mais que serait la valeur d'un homme s'il ne défendait pas sa terre et son patrimoine ? La protection du musée de Bagdad sur la première chaîne de la télévision française en 2003. Arnaud Bertinet, il y a vraiment une volonté de protéger les musées. On sent bien ici que le contexte est essentiel, mais pour la recherche, la question se pose aussi. Vous êtes maître de conférence en histoire du patrimoine et archives visuelles à l'université Paris 1. L'essor de ces champs de recherche autour du patrimoine correspond bien à des questionnements qui nous touchent. Et nous le sentons, s'il y a des reportages au journal de TF1, c'est parce que le patrimoine fait partie toujours de notre identité. Bien entendu, et la mise en danger de ce patrimoine a entraîné une prise de conscience, et on a beaucoup de jeunes étudiants qui veulent travailler sur ces sujets en fait. C'est-à-dire que depuis la destruction des Bouddhas de Bamiyan, puis le sac du musée de Bagdad, parce que malheureusement, malgré toutes les protections, le musée a été pillé dans l'intervalle entre la chute du régime de Saddam Hussein et l'arrivée des premiers marines américains dans la ville de Bagdad. C'est un créneau horaire très limité, et le musée a été en partie pillé, et il est rouvert depuis, on a récupéré une partie des collections, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont été vendues aussi sur le marché noir, eh bien on a une sensibilisation importante de la recherche sur ces questions-là. Et chaque année, on a énormément d'étudiants qui voudraient travailler sur ces questions. Bien entendu, c'est très compliqué parce que ce sont des terrains qui sont très compliqués. Vous imaginez la Syrie, le Mali, on peut difficilement envoyer un étudiant travailler sur le terrain. Extrêmement compliqué, et même dans la réflexion qu'il peut y avoir aujourd'hui sur la protection de nos musées, vu que nous touchons au secret, il est difficile d'accéder à l'information. Arnaud Bertinet, vous en avez ? Non, justement, enfin c'est compliqué. Quand j'ai commencé ces travaux, en fait, une fois un conservateur m'a dit « non mais ça n'a pas d'intérêt ». Ça a beaucoup d'intérêt, mais effectivement c'est très compliqué pour eux. Par exemple, même ce qui s'est passé durant la guerre froide, ça reste assez nébuleux. On sait que la fameuse Rose Valland, qui est très connue pour son action durant la Seconde Guerre mondiale, pour la protection des collections spoliées et les listes qu'elle a fait des œuvres spoliées par les nazis, après la Seconde Guerre mondiale, travaille notamment à la préservation des collections publiques françaises. Et elle met en place des plans, et notamment avec l'utilisation d'un bunker, l'ancien bunker de la Wehrmacht à Saint-Germain-en-Laye, où on aurait dû cacher une partie des collections nationales en cas de nouveau conflit, conflit armé ou conflit atomique. On a des plans, je ne sais pas si le bunker a été réellement transformé en cas pour un conflit atomique. Et puis nous avons évoqué aussi que ces évacuations reflètent le goût du moment. Les listes existent toujours. Pensez-vous, Arnaud Bertinet, qu'elles sont très différentes de celles, alors de 1870 peut-être, en partie, surtout que les collections ont pu s'enrichir sans doute, mais de celles de 1940 ? En fait, en 1940, on est parti du principe qu'il fallait tout protéger et tout évacuer. Donc il y a forcément des listes, et des listes par ordre d'importance, mais je pense que actuellement, en fait, tout conservateur et tout musée se dit que la moindre perte patrimoniale est catastrophique. Sauf que, bien entendu, l'histoire nous dit qu'il y a forcément à chaque fois des pertes. Et ça, on peut pas pallier ces destructions. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez dans les musées, vous pouvez voir des traces des évacuations. Sur certains cadres, vous voyez encore les marquages de la Seconde Guerre mondiale. avec les points rouges qui sont des points expliquant que ce sont des œuvres importantes à évacuer. Alors quand les musées seront de nouveau ouverts, et nous l'attendons avec impatience, nous pourrons aller voir, regarder sur le cadre s'il y a ces éléments-là. Et quand il est question de protéger les œuvres et le patrimoine, la question se pose aussi pour les individus. Nous parlons des musées, mais il y a ces collections privées, et puis même il y a les souvenirs personnels. Jocelyne Deschaux, le Bouclier Bleu s'intéresse également à ces questions-là. Au moment de la catastrophe, comment protéger les œuvres, voire les souvenirs? Oui, parce que ça fait partie finalement de la mémoire de l'ensemble, donc c'est quelque chose qui fait effectivement partie et nous encourageons aussi à pouvoir maintenir et à conserver tout ce qui est autour de l'œuvre finalement, qui fait aussi partie d'une certaine manière de l'œuvre. Oui, ce qui est essentiel d'ailleurs dans l'action du Bouclier Bleu, avec aujourd'hui cette temporalité qui fait que nous oublions, le contexte ne nous encourage pas à penser que nos musées pourraient être évacués. Arnaud Bertinet, vous nous dites que malgré tout, et heureusement, les plans sont là. Et Patrick Gourlet, aujourd'hui en Bretagne, que reste-t-il de la mémoire de ce passage du Louvre à Brest ? Bien, en fait, il est intéressant de noter que cet épisode a été déterminant pour la création du musée municipal brestois. Les relations personnelles établies entre Tosia et certains notables ont joué un rôle déterminant dans les années 1875, 1877, 78. Pour la constitution d'une partie de la collection du musée municipal, le maire de Brest rappelant régulièrement aux autorités, aux responsables du Louvre et donc aussi à Tosia, l'important rôle qu'avait joué le port de Brest pour la préservation des tableaux du Louvre, et attendait du coup un retour par le Louvre sous forme de dépôt d'œuvres. Et c'est vrai qu'il a trouvé en Tosia quelqu'un de réceptif, de facilitateur, et plusieurs tableaux, des céramiques, des gravures, des estampes ont été alloués, attribués en dépôt au musée brestois dans ces années d'après guerre de 70. Eh bien, c'est bien mérité. Le Louvre au secret, c'est votre ouvrage, Patrick Gourlet. Merci beaucoup à vous. Arnaud Bertinet, je rappelle, les musées de Napoléon III, une institution pour les arts, ou des musées de Metz à la Cour d'Or, histoire des collections. Et puis, pour le Bouclier Bleu, Jocelyne Deschaux, merci vivement à vous. On peut aller faire un tour sur le site du Bouclier Bleu, le comité français Bouclier bleu.fr. Merci vivement à vous trois de nous avoir aidés à évacuer tous ces musées. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire maintenant, de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'Histoire, comment Paris peut soutenir la préservation de l'histoire et de la culture des minorités sexuelles? Une lettre ouverte vient d'être publiée dans le quotidien Libération. Alors, quelle est cette lettre? C'est une lettre ouverte du collectif Archives LGBTQI pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexuels. Défendre la création d'archives publiques de l'homosexualité en France, c'est l'objectif de ce texte qui demande l'institutionnalisation de la conservation et de la mise en valeur de ces documents. Parce que jusqu'à présent, les siècles d'archives LGBTQI sont collectés et conservés à l'initiative d'associations ou de particuliers, collectionneurs ou militants. Les archives du lesbianisme ont vu le jour dans l'appartement de l'historienne Claudie Le Cellier, tandis que le centre de ressources sur le genre de Lyon a été inventé pour recevoir la gigantesque donation de Michel Chaumara. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Si l'on a vu ressurgir récemment l'histoire et le témoignage des LGBTQI dans l'espace public, c'est essentiellement grâce au cinéma. Sébastien Lifshitz consacre son œuvre à ces invisibles dont les vies sont conditionnées par la différence, tandis que le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, a fait événement en restituant par la fiction les preuves fondatrices de l'épidémie de sida. Une mémoire sur pellicule soutenue par une littérature abondante. Les arts sont là, mais les centres d'archives qui permettraient d'écrire, de lire et de relire ces témoignages du passé n'y sont pas. Une absence qui interdit l'élaboration de récits en constante construction, comme doit se faire l'histoire. Une marginalité persistante qui interdit la reconnaissance de ces vies comme partie intégrante de l'histoire nationale. On était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres. Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Aujourd'hui on en rigole et on en aurait pleuré il y a... On me parlait de ça comme une maladie. Je sais pas, ça te mettait un doute quand même, t'étais classé dans les maladies psychiatriques, quoi. Un monsieur aimait un jeune homme. Considéré comme une déviance et un trouble social, l'homosexualité a été dépénalisée en 1982, mais elle est restée ce douloureux problème évoqué dans le scandale par Ménie Grégoire en 1971. Désormais légale, elle était priée de se tenir à l'écart dans le silence ou les ghettos festifs des grandes villes, devenus des attractions touristiques. Des lieux de mémoire et quelques événements comme les débats autour de la loi sur le mariage pour tous ont fait apparaître cette part de la société qui vit aussi en dehors des coups de projecteur médiatique et qui participe de notre vie commune en société. À l'heure des débats sur les séparatismes, l'intégration de l'histoire des minorités sexuelles semble criante de pertinence. Si la création d'archives est attendue par la communauté LGBTQI elle-même, cette innovation est nécessaire pour élargir la conscience d'une société française qui se connaît et se reconnaît. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Diudès, Valentine Lovrens, Odile Joessel, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, voir et montrer comment exposer les œuvres avec des dioramas, avec des accumulations de tableaux ou alors avec une certaine forme d'épure. Demain, nous serons, et c'est le bonheur, avec les guides conférenciers.